Alors nous avons rendez-vous avec Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Les chars de l'armée rouge. Une obsession qui dura un demi-siècle, le temps de la guerre froide. Une obsession si prenante qu'en 1981, des journalistes et des hommes politiques prétendument sérieux ont pu annoncer qu'avec la victoire de François Mitterrand et de l'Union de la gauche, les chars soviétiques allaient bientôt déferler sur les Champs-Élysées. Mais malheureusement, il s'est trouvé des pays où ces chars si redoutés sont entrés. Avant même l'Afghanistan et la répression du printemps de Prague. En 1953, par exemple, on les a vus à Berlin massacrer les ouvriers révoltés. Mais les images les plus spectaculaires demeurent celles des chars entrant dans Budapest. Novembre 1956. Pendant 150 heures, les Hongrois ont secoué le joug soviétique et se croient libres. Moscou leur a même fait croire que les chars de l'armée rouge ont reflué vers la frontière. Mais c'est un mensonge et bientôt la révolution aura vécu. Pourquoi revenir sur ces événements lointains, des événements qui, rappelons-le, vont déclencher un véritable séisme dans l'univers communiste? Parce qu'on ne sait peut-être pas toute la vérité sur leur déroulement et les véritables enjeux de cette tragédie où les services secrets de l'Est et de l'Ouest ont joué un rôle essentiel. C'est en tout cas la conviction de M. X qui a eu connaissance d'informations récemment déclassifiées. Rendez-vous avec X. On a du mal aujourd'hui à imaginer, enfin je pense surtout à vos jeunes auditeurs, ce qu'était l'Europe de l'après-guerre, une Europe coupée en deux. Oui, le rideau de fer. Oui, l'expression je crois a été inventée par Winston Churchill. Une Europe qui, il ne faut pas l'oublier, vit sous la menace nucléaire et la perspective d'une troisième guerre mondiale. Dans ces années-là, un homme comme le général de Gaulle y croit absolument. Il y aura forcément la guerre. Oui. On vit alors dans un monde en noir et blanc où les affrontements idéologiques sont d'une extrême violence. Bon, d'accord, je vous ai bien compris, comme dirait le général. Mmh. Mais par où voulez-vous commencer, là ? 1953. L'année de la mort de Staline. C'est là où je voulais en venir, oui. Mmh. C'est l'année où, pour reprendre le mot d'un auteur soviétique, commence le dégel. C'est-à-dire la déstalinisation, oui, essentiellement. Oui. Et curieusement, c'est Beria, l'homme de la police et des services secrets, qui commence, en ouvrant le Goulag, par exemple, ou bien en amorçant la réconciliation avec le maréchal Tito. Oui, et puis ensuite, il y aura Khrouchtchev. Hein. Une fois Beria éliminé, oui. Pour l'opinion occidentale, Khrouchtchev, c'est un bon gros, un paysan, un gentil, avec lequel on devrait pouvoir s'entendre. Tout cela étant parfaitement faux, bien sûr. Mais il n'empêche qu'au Kremlin, quelque chose est en train de changer. On en a la preuve avec le coup de tonnerre du 20e congrès en 1956. Le congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. C'est ça. Khrouchtchev y dénonce les crimes de Staline et le culte de la personnalité. Pour les communistes du monde entier, c'est un véritable choc. Bah, et c'est la chute de l'idole Staline. Oui. Hein. Et le traumatisme est si important que certains partis communistes, le nôtre en particulier, dissimulent le rapport Khrouchtchev et nient même simplement son existence. Ça leur est d'autant plus aisé qu'en principe, ce rapport devait demeurer secret. Oui, mais il a été rendu public. Exactement. C'est une histoire très curieuse sur laquelle je me propose d'ailleurs de revenir un jour. Ah ouais, j'ai bien noté. C'est bien sûr en Europe de l'Est, dans les pays frères, comme on disait alors, que les révélations de Khrouchtchev produisent le plus grand effet. Parce que les dirigeants de ces pays sont presque tous des enfants de Staline, si vous me permettez cette expression. Ouais, leur pouvoir va commencer à vaciller. Bah, naturellement. Et ça commence en Pologne. Un mois après le 20e congrès, le leader communiste Gomulka sort de prison. Quand avait-il été arrêté, lui ? À la fin des années 40. C'est-à-dire au moment des grandes purges. Oui, Staline s'était alors débarrassé de bon nombre de dirigeants historiques des pays de l'Est. Des hommes qui n'avaient pas les fines assez souples et qui ont été remplacés par des bureaucrates à sa botte. On va en parler de ça, si vous voulez bien. Mm-hmm. Revenons d'abord en Pologne. Gomulka est donc libéré. C'est un des rares leaders communistes qui jouit d'une incontestable popularité. Attendez quand même, plus précisément, on a parlé de purge, mais pourquoi avait-il été emprisonné sous quel prétexte ? Il défendait l'idée d'un socialisme à la polonaise, tenant compte des spécificités de son pays. Et donc éloigné peu ou prou du modèle soviétique. Oui, c'était insupportable pour Staline qui voulait que pas une tête ne dépasse. Et puis, il faut bien le dire, le maître du Kremlin n'avait pas une grande affection pour les Polonais. Souvenez-vous du massacre de Katyn. Et du dépeçage de la Pologne aussi en 1939. Et après la victoire, Staline fera reculer la frontière de la Pologne vers l'ouest sur plus de 200 km. Enfin bon, passons. La Pologne donc. En juin, des émeutes éclatent à Poznan. Gomulka là, n'est pas encore revenu au pouvoir. Hein. Ah, il n'a même pas été réintégré dans le parti. Mmh. Et quelle est l'origine de ces émeutes là? Les manifestants réclament des augmentations de salaire, mais très vite ça dégénère. Il est clair que c'est le régime communiste qui est visé. Il n'est pas exclu que ces émeutes aient reçu des appuis extérieurs. De l'Ouest, vous voulez dire? Bien entendu. Les Américains, car il s'agit essentiellement d'eux, n'ont jamais renoncé à fomenter des troubles de l'autre côté du règne de fer. C'était une bonne guerre, non? Oui, on peut voir les choses comme ça. Donc, après avoir renoncé à constituer des maquis anticommunistes, ils ont choisi la propagande. Par quels moyens? Deux, essentiellement. La radio et les tracts. Des tracts qui étaient parachutés par des ballons. Mais parfois, ça a été très efficace. Je me souviens notamment d'un cas, en 54, je crois, un officier de la police secrète polonaise fait défection et passe à l'Ouest. Pris en charge par la CIA, il donne de nombreuses informations utiles. Il révèle, par exemple, plusieurs cas de corruption. Au sein du gouvernement polonais? Oui, et aussi dans les organes de sécurité. Ses propos sont aussitôt enregistrés et diffusés sur Radio Free Europe, une radio qui émet vers les pays d'Europe de l'Est. Une radio qui n'est pas sans lien avec la CIA. C'est évident. Mais on y reviendra à propos de la Hongrie, car Radio Free Europe a été largement impliquée dans les événements de Budapest. Mais les Américains ne se contentent pas de ces émissions de radio. Ils parachutent aussi des milliers de tracts au-dessus de la Pologne. En reprenant les propos de ce transfuge, j'imagine. Oui, oui, ça. Et ça provoque un tel scandale que le gouvernement polonais se résout à limoger plusieurs responsables compromis. Alors, revenons en 1956. Mm-hmm. Les émeutes sont réprimées par la police et l'armée. Il y a une cinquantaine de morts, mais il est évident que les autorités polonaises ont été déstabilisées. Et à Moscou, on doit être inquiet? Ben, il ne peut pas en être autrement. Et Khrouchtchev et les membres du Présidium les plus réformateurs pensent à Gomulka. Premier acte, il redevient membre du PC. Deuxième acte, on va lui permettre de revenir au pouvoir. C'est Khrouchtchev? Bien sûr, mais ça va se passer d'une façon très étrange. Pour tout dire assez machiavélique. Expliquez-moi ça, là. Apparemment, on a l'impression d'assister à un coup d'État. Gomulka s'empare du pouvoir avec le soutien de l'armée et d'une fraction notable du Parti communiste. Et moins Staline. Forcément. Et ça se fait sans aucune difficulté. L'opération elle-même? Oui. Toutefois, c'est la suite qui est intéressante. Gomulka devient donc le champion d'un communiste plus libéral, plus novateur. Mais il doit faire face à ses propres ultras. C'est-à-dire? Des gens, des militaires en particulier, qui veulent sortir du pacte de Varsovie. Et là, bon, rappelons-le, c'est le pacte militaire qui lie les démocraties populaires. Oui, l'équivalent de l'OTAN pour les pays occidentaux. Et c'est naturellement inacceptable pour les soviétiques. Hein. Alors Moscou va en venir en aide à Gomulka. Comment? Les chars, M. Penaud. Des chars stationnés en Pologne qui se rapprochent dangereusement de la capitale polonaise. Aussitôt, Gomulka demande solennellement au Kremlin de retirer ses troupes. Mais je comprends pas, là. Vous m'avez dit que Moscou voulait aider Gomulka. C'est entendu. En fait, cette histoire de chars, c'est de la gesticulation. Khrouchtchev veut faire peur à tous ceux qui seraient tentés de rompre avec l'URSS. En parfait accord avec Gomulka? C'est la vérité. De cette façon, le leader polonais peut repousser les exigences de ses partisans les plus extrémistes sans apparaître comme un valet du Kremlin. Donc si je vous entends bien, la connivence de Gomulka avec Moscou était totale. Oui, mais il fallait sauvegarder les apparences et conforter son pouvoir. Et la suite de l'histoire polonaise montrera bien que Gomulka n'était pas tout à fait le communiste novateur qu'il affirmait être. Bien au contraire. Il s'attachera à revenir sur les principales concessions qu'il avait faites pour arriver au pouvoir. Mais si on envisage l'affaire polonaise là, d'une façon très cynique, Khrouchtchev et Gomulka ont bien joué, non? Tout à fait. Sauf que cette histoire a donné des idées à certains. Les Hongrois? Oui. Et là, ça se passera beaucoup, beaucoup plus mal. Vous avec X. Revenons un instant sur la crise polonaise de 1956 et ses suites. Voici ce que je lis dans le livre de Georges-Henri Soutou, La guerre de 50 ans, les relations Est-Ouest, 1943-1990, un livre paru chez Fayard en 2001. Gomulka, à la suite de la crise, annonça un programme de libéralisation, s'entendit avec l'épiscopat, utilisa en novembre la tragédie hongroise pour démontrer aux Polonais qu'il convenait d'être prudent. Il conclut le 18 novembre un accord avec Moscou, confirmant l'alliance polono-soviétique, organisa des élections en janvier 57 pour lesquelles il bénéficia de l'appui de l'Église. À partir de là, et le pire étant passé, il s'ingénia à resserrer les boulons et à reprendre une à une maintes de ses concessions de 56-57 jusqu'à sa chute en 70 provoquée par les émeutes de Gdansk. Les soviétiques avaient préservé ce qui était à leurs yeux l'essentiel, le maintien de la Pologne dans le pacte de Varsovie et le rôle dirigeant du parti dans l'État et la société selon la phraséologie consacrée. Les concessions, les petites réformes, l'accord avec l'Église, tout cela était admissible. Cela renforçait d'ailleurs le camp khrouchtchevien contre les staliniens dans la ligne du 20e congrès, tant que les liens stratégiques avec Moscou et la dictature du parti étaient maintenus. C'est parce que, dans le cas de la Hongrie, ces deux points parurent menacés que les choses s'y déroulèrent de façon beaucoup plus dramatique. Avant peut-être d'en venir aux événements de 56 en Hongrie, quelques mots peut-être sur l'évolution de ce pays après la Deuxième Guerre mondiale. Volontiers. C'est en 1948 que la Hongrie est devenue une démocratie populaire. Il faut noter que les premières élections, enfin juste après la guerre, avaient montré que les communistes étaient très minoritaires dans le pays. Mais il y avait l'armée rouge, toujours présente. L'armée rouge qui avait libéré le pays, et puis surtout les communistes, avec l'aide de conseillers soviétiques, contrôlaient la police et les services de sécurité. Un point essentiel, vous l'imaginez bien. Et en outre, les accords de Yalta avaient placé la Hongrie dans l'orbite soviétique. C'est juste, le Kremlin pouvait donc y agir comme il voulait. Après avoir institué le parti unique, communiste, bien entendu, Moscou confie la réalité du pouvoir à Mathias Rákosi. C'est lui, patron du parti communiste qui décime les opposants et gouverne le pays. Mais un autre homme lui fait de l'ombre. Un autre communiste ? Bien entendu. László Rik est ministre de l'Intérieur et c'est de loin le dirigeant communiste hongrois le plus populaire. Pour quelle raison ? D'abord, c'est un homme très séduisant. Ensuite, il a un passé prestigieux. Ancien des brigades internationales, il s'est réfugié en France où il a été interné dans un camp de réfugiés. Mais il s'en est échappé et a réussi à passer en Hongrie, où il est devenu secrétaire du comité central clandestin et l'un des dirigeants éminents de la résistance. C'est très important. Pourquoi, ouais. Parce que les autres principaux dirigeants communistes ont, eux, passé la guerre à Moscou. Comme beaucoup d'autres chefs communistes européens. Hein. Oui, Torres en particulier. Ouais, c'était sur ordre de Staline qui tenait à les avoir sous la main. Arrêté par la Gestapo, Rick a été ensuite envoyé dans un camp de concentration avant de revenir dans son pays après la défaite du Troisième Reich. Tout ça, ça faisait beaucoup de raisons pour se faire haïr de Staline. Staline, qui, ne l'oublions pas, s'est débarrassé de presque tous les anciens des brigades internationales. Et Staline, qui ne devait pas apprécier non plus l'esprit d'indépendance de Rogue, non ? Il n'aimait pas les héros, des gens sur lesquels il n'avait pas prise. Enfin bref, à Moscou, on va très vite décider de se débarrasser de Rogue. Sous quel prétexte ? Rock aurait pu quitter son camp de réfugiés en France grâce à l'amitié qu'il avait tissée avec un Américain, un certain Field. Noël Field ? Lui-même. Ça, hein. Mais vous m'avez déjà parlé de lui. C'est exact. Alors je vous rappelle seulement que Field, sympathisant communiste, a été manipulé par Alain Delos, chef de l'OSS en Suisse et futur patron de la CIA. Et grâce à Field, soupçonné par les soviétiques d'être un agent américain, il a pu faire tomber un certain nombre de dirigeants d'Europe de l'Est. Victime de la paranoïa de Staline, hein, qui voyait des complots partout. Ouais. Et donc, du piège tendu par Delos, c'est la terrible explication de la purge 1949-1951. Tous ceux qui avaient connu Field ou qui avaient simplement vécu à l'Ouest étaient des suspects. Et comme par hasard, c'était tous de vieux bolcheviques. Hein. Oui, mais enfin, passons. Rick est donc l'un des premiers à tomber. Il est arrêté, torturé, sa famille est menacée. Rick est accusé d'avoir fomenté un complot en liaison avec les services secrets occidentaux et Tito. Ça, la pire accusation, c'est en a. Oui. Et Rick, à qui on a promis la vie sauve, finit par signer des aveux. Non pas tant pour sauver sa peau que par patriotisme de parti, comme on disait alors. C'est-à-dire pour servir son parti. Et pour prouver que Tito est vraiment un agent de l'impérialisme. Bref, en 1949, Rick est jugé, condamné à mort, malgré l'absence de preuves, et exécuté. Et avec lui, quelques-uns de ses complices présumés sont aussi éliminés. C'est donc Rákosi, c'est comme ça qu'on prononce, c'est bien ça, qui va diriger la Hongrie d'une main de fer. Oui, jusqu'à la mort de Staline. Rákosi liquide ses éventuels concurrents. János Kádár, par exemple, dont nous allons beaucoup reparler, lui aussi est arrêté, torturé. Mais la disparition de Staline intervient à point nommé. Kádár n'est pas exécuté, il sera même réhabilité un an plus tard. Ça signifie donc que la mort de Staline produit très vite des effets. Et particulièrement en Hongrie, c'est certain. À Moscou, on décide très vite qu'il faut éloigner Rákosi, qui était l'exécuteur des purges staliniennes. Alors on lui laisse son poste de secrétaire général du parti, mais on nomme un nouveau premier ministre, Imre Nagy, un communiste patriote plutôt modéré et pas très connu. Est-ce que c'est pas hypocrite, ça ? On sait bien que dans ce système, c'est le parti qui décide de tout. Mais vous avez raison, mais avec la mort de Staline, quelque chose a vraiment changé. Provisoirement, en tout cas. Et on en a la preuve assez rapidement. À peine nommé, Nagy soulève le couvercle de la marmite. Et à Moscou, on aura maintenant bien du mal à le refermer. Concrètement, ça veut dire quoi ? Nagy, qui était un homme d'apparence paisible, dresse un bilan catastrophique de la situation politique et économique de son pays. Bref, selon lui, depuis que la Hongrie est devenue une démocratie populaire, tout va à volo. Bah ça doit provoquer un véritable choc. Hein. En effet, incontestablement, un vent nouveau souffle sur la Hongrie. 15 ans avant le Tchèque Dubček, Nagy parle de communisme à visage humain. Ah, c'est donc lui qui a inventé l'expression ? Oui. Mais avant d'aller plus loin, là, on peut quand même s'interroger. Les nouveaux dirigeants du SS n'ont-ils pas pris un risque énorme en permettant à cet homme-là, Nagy, d'accéder au pouvoir à Budapest? Il est vrai qu'on peut se poser la question. Je crois avoir la réponse. Nagy, qui avait longtemps vécu à Moscou, avait sans doute des liens avec le KGB. Et donc les soviétiques pensaient pouvoir le contrôler? Je le pense. Sinon, ils ne seraient pas allés chercher ce quasi-inconnu. En outre, pour Moscou, Nagy avait un avantage. C'était un homme seul. Ça, explique-moi ça. Il ne disposait pas de réseau ou d'appui solide dans l'appareil du parti. Par conséquent, on pouvait, le cas échéant, se débarrasser facilement de lui. Mais si je vous entends bien, la marionnette va très vite échapper à ses maîtres. Oui, Nagy, qui sait combien il est fragile, va s'adresser directement aux Hongrois. Il joue l'opinion publique contre le parti. Oui, et c'est tout à fait nouveau dans un pays communiste. C'est risqué, hein? Bien entendu. En tout cas, je vous l'ai dit, le couvercle s'est soulevé et ce sont les intellectuels les premiers qui commencent à bouger. Les écrivains, les journalistes, les étudiants mettent en cause la politique passée du parti et exigent de s'exprimer désormais librement. Et là encore, c'est une véritable révolution. D'autant que les portes des prisons se sont ouvertes et que les rescapés des purges staliniennes réclament une réparation. Alors on peut se demander combien de temps les dirigeants soviétiques vont supporter ça, d'autant que la contagion peut gagner d'autres pays d'Europe de l'Est. C'est incontestable. Et Khrouchtchev, qui s'est débarrassé de ses rivaux et règne en maître au Kremlin, va siffler la fin de la partie. Au printemps 55, avec l'appui de Moscou, le chef du parti reprend les choses en main et Nagy est destitué. Mais cela aussi est très nouveau. Il refuse de faire son autocritique. Conséquence, il est immédiatement viré du parti et il va désormais vivre sous la surveillance de la police secrète. Ça aurait pu être pire. Oui, mais quelque chose a été semé qui va inévitablement germer un jour. C'est d'autant plus vrai que tous ces intellectuels qui ont commencé à murmurer ne sont pas décidés à se taire. Ça bouge même au sein des jeunesses communistes où se crée un cercle contestataire, le cercle Petefi, du nom d'un poète nationaliste du 19e siècle, héros de la révolution de 1848. Et Rákosi laisse faire? Non. Il réprime, il censure, il purge. Ce qui ne suffit toutefois pas à museler la contestation. Quant à Nagy, il apparaît maintenant comme le recours. Et on en est là quand éclate le coup de tonnerre du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. Et le rapport Khrouchtchev sur les crimes de Staline. Ça donne forcément des idées aux contestataires hongrois qui réclament à corps et à cri la déstalinisation dans leur propre pays. Et très symboliquement, ils commencent par réclamer la réhabilitation de László Rojk. C'est donc la mise en cause directe de Rákosi, hein, puisque c'est lui qui a orchestré son procès. Oui, à partir de là, il est évident qu'une puissante machine s'est mise en marche et qu'il sera bien difficile de l'arrêter. Rendez-vous avec X. On a du mal à imaginer l'importance de la fièvre qui s'est emparée des milieux intellectuels hongrois en 1955 et 56. Le grand spécialiste des pays de l'Est, François Feiteux, a pu même parler de république des écrivains. Quant à Jacques Semelin, auteur de La liberté au bout des ondes, un ouvrage paru en 1997 chez Belfond, voici ce qu'il écrit. Ces foyers protestataires irriguent la société de deux manières, soit à travers des écrits, œuvres littéraires ou articles dans la presse et les revues, soit à travers des débats au sein de clubs de discussion, comme dans la France pré-révolutionnaire du XVIIIe siècle. Dès l'automne 55, la Hongrie connaît une révolte de l'esprit. Le 18 octobre, un mémorandum des écrivains et artistes proteste contre les immixtions du parti dans la vie littéraire. L'hebdomadaire Gazette littéraire devient bientôt la bannière de la contestation. Les plus grands écrivains de l'époque s'expriment dans ses colonnes et leurs articles sont attendus avec impatience par des dizaines de milliers de lecteurs. Nous attaquâmes le régime Rákosi et ses actes, dit Durdieu Pellet-Szijjárvárt. Notre hebdomadaire fut attaqué en retour par le quotidien officiel du parti, parfois confisqué. Mais sa popularité était telle que Rákosi n'osa pas le faire disparaître. Les gens se battaient pour l'acheter lorsqu'il était vendu dans les rues. La pression de la contestation est telle que Rákosi doit céder sur un point essentiel, celui de la réhabilitation de Rák. Ça revient à se condamner lui-même. Effectivement. Et quand on rend public les conditions dans lesquelles l'ancien combattant des Brigades internationales a été jugé et condamné, c'est un tollé général. Il est clair que, désormais, le secrétaire général du Parti communiste devra tôt ou tard rendre son tablier. Et puis, il y a une autre affaire qui a fait grand bruit. Quoi ? Un gisement d'uranium aurait été découvert près de la frontière avec la Yougoslavie. Mais pourquoi utilisez-vous le conditionnel, là ? Parce que je ne sais pas si ce gisement a réellement existé. Ah bon ? En fait, pour vous dire le fond de ma pensée, je pense qu'il y a eu manipulation. De la part de qui, alors ? Je crois vous avoir montré avec l'exemple polonais que les services de l'Ouest, particulièrement de la CIA, suivaient avec beaucoup d'intérêt ce qui se passait en Europe de l'Est. Et je n'exclus pas que cette histoire d'uranium ait été purement et simplement inventée par ces services. Dans quel but, alors ? Pour les Hongrois, dont le pays est dépourvu dépourvu de toute richesse énergétique, la nouvelle de la découverte d'un gisement d'uranium est capitale. Mais aussitôt on murmure que Rakoschi aurait conclu un accord secret avec l'URSS, un accord au terme duquel les Soviétiques exploiteraient l'uranium en échange d'une compensation financière dérisoire. Ah oui, dérisoire, ça fait scandale. Évidemment. Rakoschi est accusé de brader les intérêts de son pays au profit du grand frère soviétique, ce qui attise en outre la haine contre l'URSS. Si, comme vous l'insinuez, cette affaire a été montée par des services de l'Ouest, là encore, ça a été plutôt bien joué. Oui, car ce ne sont plus seulement les intellectuels qui contestent le pouvoir communiste, mais la majeure partie de la population hongroise. Rakoschi est donc condamné? Oui. Il a beau clamer que les intellectuels sont des agents de la bourgeoisie qui veulent restaurer le capitalisme, son discours ne passe plus. Même les militants communistes purs et durs sont ébranlés. Et à Moscou, on commence à se dire qu'il va falloir agir d'urgence. En commençant par démettre Rakoschi, oui. Pour le remplacer par Nagy. Ça aurait été la solution la plus sage, car les Hongrois auraient peut-être fait l'économie de l'insurrection de 1956. Mais non. Les Soviétiques choisissent un bureaucrate qui n'est pas moins stalinien que Rakoschi, un nommé Erne Guéreux, qui était jusque-là le numéro 2 du parti. Pourquoi cette erreur flagrante, enfin ? Nagy fait peur. Moscou a craint qu'il aille trop loin dans la déstalinisation. Il y avait personne d'autre que ce Guéreux. Il y avait Janos Kadar. Qui avait été lui aussi victime des purges staliniennes. Et qui était depuis rentré en grâce, mais Moscou n'en voulait pas. Pourtant c'est lui plus tard qui sera l'homme des soviétiques. Exact. Ouais. Quoi qu'il en soit, l'envoyé spécial du Kremlin, Anastas Mikoyan, en a jugé autrement. Avec l'accord de Khrouchtchev, naturellement. Mikoyan qui était, il faut le noter, plutôt considéré comme un modéré au sein du bureau politique. Il va d'ailleurs obliger Guéreux à faire un certain nombre de concessions. Lesquelles, hein ? Les tortionnaires de la police secrète sont arrêtés. Ah bon ? Et un certain nombre de leurs victimes sont réhabilitées ou libérées. L'archevêque Minsanti peut ainsi quitter sa prison, il est placé en résidence surveillée. C'est tout de même pas la liberté totale, hein ? Non, parce que le prélat est la bête noire du régime et qu'on lui prête l'intention d'en revenir à la monarchie. Bon, on lâche quand même un peu de lest, hein ? Oui, mais ça ne fait guère illusion. La contestation est allée trop loin pour pouvoir reculer. On assiste par exemple à la tenue d'un congrès des écrivains qui ressemble plus à des états généraux révolutionnaires qu'à une réunion professionnelle ou syndicale. Et vous avez évoqué tout à l'heure les interventions extérieures à propos de la Pologne. Est-ce qu'il en est de même tout au long de la crise hongroise ? À l'évidence, oui. Je vous ai parlé de cette curieuse histoire d'uranium. Ouais. Mais il faut savoir aussi que Radio Free Europe ne cesse d'entretenir ses auditeurs de l'évolution de la situation. Et nous verrons que cette radio, très proche de la CIA, va jouer un rôle essentiel quand l'insurrection éclatera. Et sans déflorer la suite, je peux d'ores et déjà vous dire que le contenu éditorial de Radio Free Europe fait débat. Fait débat, ça veut dire ? Mais il existe deux lignes antagonistes. Certains des journalistes et des dirigeants de cette radio pensent qu'il faut informer les auditeurs d'Europe de l'Est de façon objective, sans en rajouter. C'est la meilleure façon, selon eux, de montrer l'état du système communiste et de laisser les auditeurs se faire une opinion eux-mêmes. Oui, pour se différencier des radios officielles qui font de la propagande. Et qui sont aussi particulièrement soporifiques. Et les autres ? Ils considèrent que Radio Free Europe doit être une radio de combat, une radio qui est là pour persuader avant d'informer. C'est-à-dire une radio qui doit prendre parti. Et qui ne doit jamais refuser de prendre fait et cause pour tous les éléments de la société qui s'opposent au système communiste. Je peux vous le dire tout de suite, c'est cette ligne dure qui a bien sûr la préférence de la CIA et qui sera celle de Radio Free Europe pendant les dramatiques événements de Budapest. Alors, revenons justement à la chronologie. Rakoschi a été démis à l'été 1956 et envoyé tout de suite en exil, en URSS. Il est mieux là-bas, hein. Oui. Dès le début de l'automne, les étudiants et les jeunes du cercle Petefi s'agitent. Ils réclament un nouveau gouvernement dirigé par Nagy, l'octroi de la liberté totale pour l'opinion et la presse. Et surtout, ils exigent le départ des troupes soviétiques qui se trouvent toujours dans le pays depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et en cela, alors, ils se conduisent exactement comme les contestataires de Varsovie. Oui, il y a pas mal de points communs entre les deux mouvements. Et les Hongrois se sentent encouragés par ce qui s'est passé en Pologne. Les étudiants et les écrivains ont aussi une autre revendication. Ils veulent que László Rock, déjà réhabilité à titre posthume, fasse l'objet d'obsèques officielles. En effet, Rock et ses soi-disant complices ont été ensevelis à l'époque dans la plus grande discrétion. Mmh. Et les autorités hongroises peuvent-elles accepter ? Elles ne peuvent pas faire autrement, tant le vent de la contestation souffle fort. Elles acceptent donc du bout des lèvres et essaient de récupérer l'événement en étant présentes. Mais personne ne s'y trompe. Ces obsèques qui sont célébrées au début du mois d'octobre et qui rassemblent en silence des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sont bel et bien une manifestation d'opposition au régime. Et c'est une première dans une démocratie populaire. Un affront terrible pour le gouvernement. Ça, c'est certain, oui. Mais ce n'est qu'un début. L'opposition est maintenant chauffée à blanc. Et à Moscou, l'inquiétude grandit. les rapports envoyés par l'ambassadeur soviétique, Andropov. Andropov, celui qui prendra les rênes du KGB avant de succéder à Brejnev. Lui-même, oui. Et l'un de ses adjoints s'appelait Kryuchkov. Et lui aussi prendra un jour la tête du KGB. Il ne s'agit pas d'une coïncidence. Non. Non, Moscou avait placé à Budapest des hommes qui connaissaient très bien les services secrets et étaient à même de surveiller étroitement le personnel politique hongrois. Mais si vous voulez bien, je reviens à ce que je disais. Andropov envoie des rapports de plus en plus alarmistes. Si alarmistes, même que le patron du KGB, Serov, prend la décision de se rendre lui-même sur place. À Budapest. Hein. Oui, et dans une quasi-clandestinité. Moscou prend donc les choses très au sérieux. Hein. Le Kremlin considère que la nomination de Guereux, 3 mois plus tôt, a été un échec. Il convient donc de réagir vite. D'où le déplacement de Serov qui va orchestrer de bout en bout les manœuvres soviétiques en Hongrie avec l'aide d'Andropov, naturellement. Alors, je voudrais tout de suite démolir un mythe. On a dit, c'est vrai, qu'au cours de cette crise, Khrouchtchev a paru hésitant. Les derniers documents déclassifiés le prouvent. Des documents soviétiques, hein? Oui, mais pour un certain nombre de dirigeants conservateurs, dont le général Serov. La décision de réduire par la force les opposants hongrois avait déjà été prise. Et s'ils ont laissé les choses s'envenimer, c'était certainement pour mettre en difficulté Khrouchtchev. L'homme du 20e congrès, celui qui avait osé dénoncer les crimes de Staline. Et qui était aussi donc responsable de ce qui se passait en Hongrie. Évidemment. Et ça obligera plus tard le Kremlin à réagir avec la férocité que vous connaissez. Mais nous en reparlerons la semaine prochaine. Je laisse la responsabilité de cette thèse à M. X, même s'il est vrai qu'au sommet de l'État soviétique, la lutte était féroce entre les modérés et les staliniens. Mais je voudrais terminer en vous lisant un extrait d'un rapport que Youri Andropov a envoyé à Moscou en août 1956. À sa lecture, on comprend très bien que l'intervention soviétique semble déjà inéluctable. Je cite quelques lignes de ce rapport. Au cours des semaines précédant la réunion plénière du comité central du PC hongrois, la situation de politique intérieure s'est singulièrement aggravée dans le pays. Les éléments hostiles, qui considèrent la Hongrie comme le chaînon le plus faible du camp socialiste, se sont activés et attaquent ouvertement la direction du parti. Ils s'appuient dans leur travail de sape sur la couche aisée de la paysannerie et sur les éléments mécontents dans les milieux des ex-sociodémocrates de droite et de l'intelligentsia. Ils exploitent aussi la grande influence exercée sur la population par la propagande occidentale, par l'Église catholique et par divers éléments nationalistes. Les erreurs commises par nos amis dans la politique économique, la violation de la légalité socialiste, l'affaiblissement de la démocratie à l'intérieur du parti, conséquence du culte de la personnalité pratiqué depuis longtemps par le camarade Rakoschi, ont contribué à l'aggravation de la situation et à l'intensification des activités des éléments hostiles. Les éléments hostiles essaient de présenter le départ du camarade Rakoschi, l'annulation des emprunts d'État obligatoires et d'autres mesures d'allègement comme leur propre victoire et la retraite de nos camarades. Pourtant, les camarades hongrois, pour éviter de nouvelles complications, poursuivent encore une politique de concession, ce qui, à notre avis, ne fait qu'encourager l'activité des éléments hostiles et oppositionnels. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez disposer de renseignements bibliographiques et même historiographiques.